Mwen béni non ou Seigneur. Mwen béni non. Adoration pour Seigneur. Adoration. Alléluia au Jésus. Alléluia. Louange à toi au Seigneur. Louange à toi. Mwen renmen mwen fou pou. Mwen fou pou. Merci Seigneur, merci. Merci. Chauffe, chauffe. Loué, loué. Mwen béni non ou Seigneur. Adoration au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Alléluia. Louange à toi au Jésus. Louange à toi. Mwen renmen ou mwen fou. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh, oh, oh, oh, oh. Loué, loué. Oh, oh, oh, oh, oh. Dansez, dansez. mettez nous en position, mettez quand nous tout petit, pour nous remettre problème nous bail mettre nous. Chauffer, chauffer, chauffer, louer, louer.